Je ne suis qu'un animal doué de conscience. Vous êtes con, je pense, gens du capital. Vous êtes consciencieux, nous on a la dalle. La fougue et le bon sens. La foule et la bon sens ce soir. C'est la folle, c'est la folie dans l'ambiance. A vous de foutre le box, on faut allumer le phare. Y'a foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La weed est pure, ça casse. La vie est dure, ça brasse. Comme un conte, tu gaulerie devant ses clowns, sans le babybel sur la face. Mais eux aussi doivent se marrer, tant que tu votes docile, eux peuvent se parer, ils appellent ça démocratie. Bande d'enfoirés, 200 ans d'oligarchie, quelle fin de taré. Mais moi, comme un vieux singe, j'observe et déduis que vos grimaces, c'est votre linge, et que votre savoir est réduit. Savoir est réduit. Je suis un chat, donc je m'en fous de ta vie. Mais en plus de ça, c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bientôt tu seras reparti. Allez, bye bye, salut, bien essayé. Mais nous, on voulait être libres. Toi, tu voulais être né, ouais. J'oublie mes textes, c'est pire. Aïe aïe à mordre, taré, paré pour cracher la foudre. Tous les chemins mènent à Rome, il paraît, mais c'est pas vrai. Faut partager sa route, car tout seul tira nulle part. Mais le hasard n'est pas rose, des liaisons pour la plupart dangereuses. Et tôt ou tard, t'as rencard avec un connard qui te dit que t'es cool quand t'es con, tu l'écoutes, tu coules comme un tocard. C'est une trace de toi sur la moquette. Mais arrête, souffle, réfléchis. T'as rien fait de mal, toi pourquoi serais-tu puni? Pour libérer un taf auprès d'une vie. J'y avais pas pensé, merci France Télécom. Merci, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci patron de me lâcher les miettes, même si c'est pas bizarre. Même si je n'ai pas de rond, je suis bien content de savoir que grâce à moi tu fais du bénère. Non, je m'en bats les couilles, en fait c'est trop galère. Je vais faire une connerie là, je vais me foutre en l'air. Sous ma carapace, je ne sais plus ce que c'est que rigoler. Je vais venir sur place avec un bidon et je vais m'immoler. Mon chef me sourit, trop longtemps qu'il taquine mes nerfs. À cause de son chef, il saoule, il taquine ses nerfs. Anti-fun, ils veulent te piner, t'isoler, une balle dans le gun. Terre et ventine dans le café au lait, je deviens violent. Moi qui étais un type plutôt calme, je deviens comme eux, un psychominal. Faut que je me bute, ça en fera toujours en moins. De toute façon, j'ai pas de tueur, plus de meuf, et pas vraiment de lendemain. On bouffe de la merde, cultivé par les paysans qui ne touchent rien. Ne parlons pas des enfants qui fabriquent nos choses. N'ayons pas de flouze, c'est eux qu'on consomme. Si ça c'est pas la loose, vas-y boycott. Si ça peut t'amuser, mais ce n'est que la plante de tes pieds que tu vas user, manger une meilleure idée. Chut, faut pas la répéter, c'est plus radical. Faut faire pipi le siège social. Une bêtise, pense à son efficacité. Marketing, lavage de cerveau, publicité. T'es dans ses guises, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social d'un multinational, fait péter. Senti arriver, mais bien que tu seras reparti. Allez, bye bye, salut, bien essayé. Mais nous, on voulait être libre. Toi, tu voulais la certitude d'être payé. Et nous, juste peut-être vivre. Zoulet, te suivre comme des animaux. Crier, lève les bras, dis-le, crois que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Toi, tu voulais des lingots malgré les parpres. S'arracher les liasses qui t'a donné ton âge. J'en ai déjà dit trop. Bourse, j'en ai pas, quoi, la frousse, non, j'en ai pas, je suis chaud. La frousse, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino, là, le casino. Je suis pas casino pour mes camis, faut casino, une camisole, une carte schizo. Avec les gens sains d'esprit, amène et tous vont se battre. Donne-nous la pêche durcie dans mes convictions. Je lance un défi avec le full contact. Au nom du flair, du twist. Au nom du flair, du twist et tout ce qui s'ensuit. Thank you. être sincère. Ne pas mourir, ce n'est pas ça le mettre sincère. On peut tous finir, l'âme dans les viscères ou partir à l'asile pour un problème d'hémisphère. Moi la folie me guette, vous me trompez. C'est pas joli mais c'est vrai, non, c'est concret. Un jour mes démons viendront tenter. Je le sais depuis que mon padre à l'âge peut être entré. Depuis que j'ai goûté au psychédélique, j'ai même douté, genre non c'est le psy qui délire, pourquoi l'écouter avant de me dire mais toi t'es fou, t'es excès, t'en floute et tu vois même pas tes déroutés. T'es à l'ouest, loin, solitaire, pauvre, comme un putain de cow-boy sans les vaches. Un agriculteur sans les terres d'Amérique sans les Sioux et les Apaches. Parachuté du côté obscur de la force, pas rassuré de passer pour le dindon de la farce à cause de la paraffine. J'ai vécu des trucs paranormaux, la paranoïa dans le cerveau. Mais je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Je racle mon foie en bougeant les bras sur du raton. Le camp du raton fond sur moi, je tombe de bacard. Mon karma est comme une girouette en carton, garçon. Les pupilles en poudre, mais serrez-moi dans l'ordre. Mon esprit part en couille, baston. Et mes prix, ça en coule. Donc passons à l'action. Je détruis ça sans foudre et je m'en fous de brailler. Je bouffe pas de la semaine, mais je suis enfoiré. Au cas où ça dégaine, fou allié. Et qu'un reste à trop soumettre. Ne crois pas trop me soumettre, moi je suis Jack Sparrow au soumettre. Thank you. watching me. Oh, keep pushing me, keep pushing me. Bye. Bye. pants on the ground, pants on the ground. Looking like a fool with the pants on the ground, with your hat turned sideways, belt at the waist. Talking about. Somebody might know what that means, because that's pretty funny. How's it going, guys? Ninjam.